de Jules Verne, Voyages et aventures du capitaine Hatteras. Les Anglais au pôle Nord, le désert de glace. Avertissement de l'éditeur. Les excellents livres de M. Jules Verne sont du petit nombre de ceux qu'on peut offrir avec confiance aux générations nouvelles. Il n'est pas, parmi les productions contemporaines, qui répondent mieux aux besoins généreux qui poussent la société moderne à connaître enfin les merveilles de cet univers où s'agitent ses destinées. Il n'en est pas qui ait mieux justifié le rapide succès qui les a accueillis dès leur apparition. Si le caprice du public peut s'égarer un instant sur une œuvre tapageuse et malsaine, son goût ne s'est jamais fixé en revanche d'une façon durable que ce sur qui est fondamentalement sain et bon. Ce qui a fait la double fortune des œuvres de M. Jules Verne, c'est que la lecture de ses livres charmants a tout à fois les qualités d'un aliment substantiel et la saveur des mets les plus piquants. Les critiques les plus autorisées ont salué dans M. Jules Verne un écrivain d'un tempérament exceptionnel, auquel, dès ses débuts, il n'était que juste d'assigner une place à part dans les lettres françaises. Conteur plein d'imagination et de feu, écrivain original et pur, esprit vif et prompt, égal au plus habile dans l'art de nouer et de dénouer les drames inattendus qui donnent un si puissant intérêt à ses hardies conceptions, et à côté de cela profondément instruit, il a créé un genre nouveau. Ce qu'on promet si souvent, ce qu'on donne si rarement, l'instruction qui amuse, l'amusement qui instruit, M. Verne le prodigue sans compter dans chacune des pages de ses émouvants récits. Les romans de M. Jules Verne sont d'ailleurs arrivés à leur point. Quand on voit le public empressé courir aux conférences qui se sont ouvertes sur 1000 points de la France, quand on voit qu'à côté des critiques d'art et de théâtre, il a fallu faire place dans nos journaux au compte rendu de l'Académie des sciences, il faut bien se dire que l'art pour l'art ne suffit plus à notre époque, et que l'heure est venue où la science a sa place faite dans le domaine de la littérature. Le mérite de M. Jules Verne, c'est d'avoir le premier et en maître mis le pied sur cette terre nouvelle. C'est d'avoir mérité qu'un illustre savant, parlant des livres que nous publions, en ait pu dire sans flatterie « Ces romans qui vous amuseront, comme les meilleurs d'Alexandre Dumas, vous instruiront comme les livres de François Arago. » Petits et grands, riches et pauvres, savants et ignorants, trouveront donc plaisir et profit à faire des excellents livres de M. Verne les amis de la maison et à leur donner une place de choix dans la bibliothèque de la famille. Les éditions illustrées que nous donnons des œuvres de M. Jules Verne à un bon marché inusité et dans des conditions qui en font des livres de vrai luxe témoignent de la confiance que nous avons dans leur valeur et dans la popularité toujours croissante qui les attend. Les ouvrages nouveaux de M. Verne viendront s'ajouter successivement à cette édition que nous aurons soin de tenir toujours au courant. Ils embrasseront dans leur ensemble le plan que s'est proposé l'auteur, quand il a donné pour sous-titre à son œuvre celui de « Voyage dans les mondes connus et inconnus ». Son but est en effet de résumer toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques, astronomiques amassées par la science moderne et de refaire, sous la forme attrayante et pittoresque qui lui est propre, l'histoire de l'univers. J. Hetzel. Aventure du capitaine Hatteras. Les Anglais au pôle Nord. Chapitre 1er, le Forward. Demain, à la marée descendante, le brick le Forward, capitaine KZ, second Richard Shandon, partira de New Prince Docks pour une destination inconnue. Voilà ce qu'on avait pu lire dans le Liverpool Herald du 5 avril 1860. Le départ d'un brick est un événement de peu d'importance pour le port le plus commerçant de l'Angleterre. Qui s'en apercevrait au milieu des navires de tout tonnage et de toute nationalité que 2 lieues de bassins à flots ont de la peine à contenir. Cependant, le 6 avril, dès le matin, une foule considérable couvrait les quais de New Prince Docks. L'innombrable corporation des marins de la ville semblait s'y être donné rendez-vous. Les ouvriers des wharfs environnants avaient abandonné leurs travaux, les négociants, leurs sombres comptoirs, les marchands, leurs magasins déserts. Les omnibus multicolores qui longent le mur extérieur des bassins déversaient à chaque minute leur cargaison de curieux. La ville ne paraissait plus avoir qu'une seule préoccupation, assister au départ du Forward. Le Forward était un brick de 170 tonneaux, muni d'une hélice et d'une machine à vapeur de la force de 120 chevaux. On l'eût volontiers confondu avec les autres briques du port. Mais s'il n'offrait rien d'extraordinaire aux yeux du public, les connaisseurs remarquaient en lui certaines particularités auxquelles un marin ne pouvait se méprendre. Aussi, à bord du Nautilus, ancré non loin, un groupe de matelots se livrait-il à mille conjectures sur la destination du Forward. « Que penser, disait l'un, de cette mâture ? Il n'est pas d'usage pourtant que les navires à vapeur soient si largement voilés. » « Il faut, répondit un quartier-maître à large figure rouge, il faut que ce bâtiment-là compte plus sur ses mâts que sur sa machine. Et s'il a donné un tel développement à ses hautes voiles, c'est sans doute parce que les basses seront souvent masquées. Ainsi donc, ce n'est pas douteux pour moi. Le Forward est destiné aux mers arctiques ou antarctiques, là où les montagnes de glace arrêtent le vent, plus qu'il ne convient à un brave et solide navire. « Vous devez avoir raison, maître Cornil, répondit un troisième matelot. Avez-vous remarqué aussi cette étrave qui tombe droit à la mer ? Ajoute, dit maître Cornil, qu'elle est revêtue d'un tranchant d'acier fondu affilé comme un rasoir et capable de couper un trois ponts en deux si le Forward lancé à toute vitesse l'abordait par le travers. Bien sûr, répondit un pilote de la Mersey, car ce brick-là file joliment ses 14 nœuds à l'heure avec son hélice. C'était merveille de le voir fendre le courant quand il a fait ses essais. Croyez-moi, c'est un fin marcheur. Et à la voile, il n'est guère embarrassé non plus, reprit maître Cornil. Il va droit dans le vent et gouverne à la main. Voyez-vous, ce bateau-là va tâter des mers polaires, où je ne m'appelle pas de mon nom. Tenez, encore un détail. Avez-vous remarqué la large jaumière par laquelle passe la tête de son gouvernail ? C'est ma foi vrai, répondirent les interlocuteurs de maître Cornil. Mais qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve, mes garçons, riposta le maître avec une dédaigneuse satisfaction, que vous ne savez ni voir ni réfléchir. Cela prouve qu'on a voulu donner du jeu à la tête de ce gouvernail, afin qu'il pût être facilement placé ou déplacé. Or, ignorez-vous qu'au milieu des glaces, c'est une manœuvre qui se reproduit souvent ? Parfaitement raisonné, répondirent les matelots du Nautilus. Et d'ailleurs, reprit l'un d'eux, le chargement de ce brick confirme l'opinion de maître Cornil. Je le tiens de Clifton, qui s'est bravement embarqué. Le Forward emporte des vivres pour 5 ou 6 ans, et du charbon en conséquence. Charbon et vivres, c'est là toute sa cargaison, avec une pacotille de vêtements de laine et de peaux de phoque. « Eh bien, fit maître Cornil, il n'y a plus à en douter. Mais enfin, l'ami, puisque tu connais Clifton, Clifton ne t'a-t-il rien dit de sa destination ? Il n'a rien pu me dire. Il l'ignore. L'équipage est engagé comme cela. Où va-t-il ? Il ne le saura guère que lorsqu'il sera arrivé. Et encore, répondit un incrédule, s'ils vont au diable, comme cela m'en a tout l'air. Mais aussi qu'elle paye, répondit l'ami de Clifton, en s'animant. Quelle haute paye, 5 fois plus forte que la paye habituelle. Ah, sans cela, Richard Shandon n'aurait trouvé personne pour s'engager dans des circonstances pareilles. Un bâtiment d'une forme étrange, qui va on ne sait où, et n'a pas l'air de vouloir beaucoup revenir. Pour mon compte, cela ne m'aurait guère convenu. Convenu ou non, l'ami, répliqua maître Cornil, tu n'aurais jamais pu faire partie de l'équipage du Forward. Et pourquoi cela ? Parce que tu n'es pas dans les conditions requises. Je me suis laissé dire que les gens mariés en étaient exclus. Or, tu es dans la grande catégorie. Donc, tu n'as pas besoin de faire la petite bouche, ce qui, de ta part d'ailleurs, serait un véritable tour de force. Le matelot, ainsi interpellé, se prit à rire avec ses camarades, montrant ainsi combien la plaisanterie de maître Cornil était juste. « Il n'y a pas jusqu'au nom de ce bâtiment, reprit Cornil satisfait de lui-même, qui ne soit terriblement audacieux. Le Forward. Forward, jusqu'où ? Sans compter qu'on ne connaît pas son capitaine à ce brick-là. « Mais si, on le connaît, répondit un jeune matelot de figure assez naïve. « Comment, on le connaît ? Sans doute. Petit, fit Cornil. « En es-tu à croire que Shandon soit le capitaine du Forward ?»« Mais, répliqua le jeune marin, sache donc que Shandon est le commander, pas autre chose. C'est un brave et hardi marin, un baleinier qui a fait ses preuves, un solide compère, digne en tout de commander. Mais enfin, il ne commande pas. Il n'est pas plus capitaine que toi ou moi, sauf mon respect. Et quant à celui qui sera maître après Dieu à bord, il ne le connaît pas davantage. » Lorsque le moment sera venu, le vrai capitaine apparaîtra. on ne sait comment, et de je ne sais quel rivage des deux mondes, car Richard Shandon n'a pas dit et n'a pas eu la permission de dire vers quel point du globe il dirigerait son bâtiment. « Cependant, maître Cornil, reprit le jeune marin, je vous assure qu'il y a eu quelqu'un de présenté à bord, quelqu'un annoncé dans la lettre où la place de second était offerte à M. Shandon. » « Comment ? » riposta Cornil, en fronçant le sourcil. « Tu vas me soutenir que le forward a un capitaine à bord ?»« Mais oui, maître Cornil. » « Tu me dis cela à moi ?»« Sans doute, puisque je le tiens de Johnson, le maître d'équipage. »« De maître Johnson ? » ?»« Sans doute, il me l'a dit à moi-même. » »« Il te l'a dit, Johnson ?» ?»« Non seulement il m'a dit la chose, mais il m'a montré le capitaine. » »« Il te l'a montré ?» répliqua Cornil, stupéfait. « Il me l'a montré ? » ?»« Et tu l'as vu ?»« Vu, de mes propres yeux. » »« Et qui est-ce ? » »« C'est un chien. » »« Un chien à quatre pattes ?»« Oui. » La stupéfaction fut grande parmi les marins du Nautilus. En toute autre circonstance, ils eussent éclaté de rire. Un chien capitaine d'un brick de 170 tonneaux. Il y avait là de quoi étouffer. Mais ma foi, le Forward était un bâtiment si extraordinaire qu'il fallait y regarder à deux fois avant de rire, avant de nier. D'ailleurs, maître Cornil lui-même ne riait pas. « Et c'est Johnson qui t'a montré ce capitaine d'un genre si nouveau, ce chien ?» reprit-il en s'adressant au jeune matelot. « Et tu l'as vu ?»« Comme je vous vois, sauf votre respect. »« Eh bien, qu'en pensez-vous ? » demandèrent les matelots à maître Cornil. « Je ne pense rien, » répondit brusquement ce dernier. « Je ne pense rien, sinon que le Forward est un vaisseau du diable ou de fou à mettre à Bethlehem. » Les matelots continuèrent à regarder silencieusement le Forward, dont les préparatifs de départ touchaient à leur fin. Et pas un ne rencontra parmi eux à prétendre que le maître d'équipage Johnson se fût moqué du jeune marin. Cette histoire de chien avait déjà fait son chemin dans la ville, et parmi la foule des curieux, plus d'un cherchait des yeux ce Captain Dog qui n'était pas éloigné de le croire un animal surnaturel. Depuis plusieurs mois d'ailleurs, le Forward attirait l'attention publique. Ce qu'il y avait d'un peu extraordinaire dans sa construction, le mystère qui l'enveloppait, l'incognito gardé par son capitaine, la façon dont Richard Shandon reçut la proposition de diriger son armement, le choix apporté à la composition de l'équipage, cette destination inconnue à peine soupçonnée de quelques-uns, tout contribuait à donner à ce brick une allure plus qu'étrange. Pour un penseur, un rêveur, un philosophe au surplus, rien d'émouvant comme un bâtiment en partance. L'imagination le suit volontiers dans ses luttes avec la mer, dans ses combats livrés au vent, dans cette course aventureuse qui ne finit pas toujours au port. Et pour peu qu'un incident inaccoutumé se produise, le navire se présente sous une forme fantastique, même aux esprits rebelles en matière de fantaisie. Ainsi du Forward. Et si le commun des spectateurs ne put faire les savantes remarques de maître Cornil, les on-dits accumulés pendant 3 mois suffirent à défrayer les conversations liverpooliennes. Le brick avait été mis en chantier à Brickenhead, véritable faubourg de la ville, situé sur la rive gauche de la Mersey, et mis en communication avec le port par le va-et-vient incessant des barques à vapeur. Le constructeur Scott et compagnie, l'un des plus habiles de l'Angleterre, avait reçu de Richard Shandon un devis et un plan détaillé où le tonnage, les dimensions, le gabarit du brick étaient donnés avec le plus grand soin. On devinait dans ce projet la perspicacité d'un marin consommé. Shandon, ayant des fonds considérables à sa disposition, les travaux commencèrent et, suivant la recommandation du propriétaire inconnu, on alla rapidement. Le brick fut construit avec une solidité à toute épreuve. Il était évidemment appelé à résister à d'énormes pressions, car sa membrure en bois de teck, sorte de chêne des Indes, remarquable par son extrême dureté, fut en outre reliée par de fortes armatures de fer. On se demandait même, dans le monde des marins, pourquoi la coque d'un navire établi dans ces conditions de résistance n'était pas faite de tôle, comme celle des autres bâtiments à vapeur. À cela, on répondait que l'ingénieur mystérieux avait ses raisons pour agir ainsi. Peu à peu, le brick prit figure sur le chantier et ses qualités de force et de finesse frappèrent les connaisseurs. Ainsi que l'avaient remarqué les matelots du Nautilus, son étrave faisait un angle droit avec la quille. Elle était revêtue non d'un éperon, mais d'un tranchant d'acier fondu dans les ateliers de R. Hawthorne de Newcastle. Cette proue de métal, resplendissante au soleil, donnait un air particulier aux briques, bien qu'il n'eût rien d'absolument militaire. Cependant, un canon de calibre de 16 fut installé sur le gaillard d'avant. Monté sur pivot, il pouvait être facilement pointé dans toutes les directions. Il faut ajouter qu'il en était du canon comme de l'étrave. Ils avaient beau faire tous les deux, ils n'avaient rien de positivement guerrier. Le 5 février 1860, l'étrange navire fut lancé au milieu d'un immense concours de spectateurs et sa mise à l'eau réussit parfaitement. Mais si le brick n'était pas un navire de guerre, ni un bâtiment de commerce, ni un yacht de plaisance, car on ne fait pas de promenade avec 6 ans d'approvisionnement dans sa cale, qu'était-ce donc ? Un navire destiné à la recherche de l'Erebus et du Terror, et de Sir John Franklin. Pas davantage, car en 1859, l'année précédente, le commandant McClintock était revenu des mers arctiques rapportant la preuve certaine de la perte de cette malheureuse expédition. Le Forward voulait-il donc tenter encore le fameux passage du Nord-Ouest ? À quoi bon ? Le capitaine McClure l'avait trouvé en 1853. Et son lieutenant Creswell eut le premier l'honneur de contourner le continent américain du détroit de Bering au détroit de Davis. Il était pourtant certain, indubitable pour des esprits compétents, que le Forward se préparait à affronter la région des glaces. Allait-il pousser vers le pôle sud, plus loin que le baleinier Waddell, plus avant que le capitaine James Ross ? Mais à quoi bon et dans quel but ? On le voit. Bien que le champ des conjectures fût extrêmement restreint, l'imagination trouvait encore moyen de s'y égarer. Le lendemain du jour où le brick fut mis à flot, sa machine lui arriva, expédiée des ateliers de R. Hawthorne de Newcastle. Cette machine, de la force de 120 chevaux, à cylindres oscillants, tenait peu de place. Sa force était considérable pour un navire de 170 tonneaux, largement voilé d'ailleurs, et qui jouissait d'une marche remarquable. Ses essais ne laissèrent aucun doute à ce sujet, et même le maître d'équipage, Johnson, avait cru convenable d'exprimer de la sorte son opinion à l'ami de Clifton. Lorsque le Forward se sert en même temps de ses voiles et de son hélice, c'est à la voile qu'il arrive le plus vite. L'ami de Clifton n'avait rien compris à cette proposition, mais il croyait tout possible de la part d'un navire commandé par un chien en personne. Après l'installation de la machine à bord, commença l'arrimage des approvisionnements. Et ce ne fut pas peu de chose, car le navire emportait pour 6 ans de vivres. Ceci consistait en viande salée et séchée, en poisson fumé, en biscuits, en farine. Des montagnes de café et de thé furent précipitées dans les soutes en avalanches énormes. Richard Shandon présidait à l'aménagement de cette précieuse cargaison en homme qui s'y entend. Tout cela se trouvait casé, étiqueté, numéroté avec un calme parfait. On embarqua également une très grande provision de cette préparation indienne nommée pemmican et qui renferme sous un tout petit volume beaucoup d'éléments nutritifs. Cette nature de vivre ne laissait aucun doute sur la longueur de la croisière. Mais un esprit observateur comprenait de prime abord que le Forward allait naviguer dans les mers polaires à la vue des barils de lame Joyce, des pastilles de chaux, des paquets de moutarde, de graines d'oseille et de cochléaria, en un mot à l'abondance de ces puissants antiscorbutiques dont l'influence est si nécessaire dans les navigations australes et boréales. Shandon avait sans doute reçu avis de soigner particulièrement cette partie de la cargaison, car il s'en préoccupa fort, non moins que de la pharmacie de voyage. Si les armes ne furent pas nombreuses à bord, ce qui pouvait rassurer les esprits timides, la soute aux poudres regorgeait, détail de nature à effrayer. L'unique canon du gaillard d'avant ne pouvait avoir la prétention d'absorber cet approvisionnement. Cela donnait à penser. Il y avait également des scies gigantesques et des engins puissants, tels que leviers, masses de plomb, scies à main, haches énormes, etc. Sans compter une recommandable quantité de blasting cylinders, dont l'explosion eût suffi à faire sauter la douane de Liverpool. Tout cela était étrange, sinon effrayant, sans parler des fusées, signaux, artifices et fanaux de mille espèces. Les nombreux spectateurs des quais de New Prince Docks admiraient encore une longue baleinière en acajou, une pirogue de fer blanc recouverte de gutta-percha et un certain nombre de halkelboats, sortes de manteaux en caoutchouc que l'on pouvait transformer en canots en soufflant dans leur doublure. Chacun se sentait de plus en plus intrigué et même ému, car avec la marée descendante, le Forward allait bientôt partir pour sa mystérieuse destination. Chapitre 2. Une lettre inattendue. Voici le texte de la lettre reçue par Richard Shandon 8 mois auparavant. Aberdeen, 2 août 1859. Monsieur Richard Shandon, Liverpool. Monsieur, la présente a pour but de vous donner avis d'une remise de 16 000 livres sterling qui a été faite entre les mains de Messieurs Mercuart et compagnie, banquiers à Liverpool. S'y joint une série de mandats signés de moi qui vous permettront de disposer sur lesdits messieurs Marquardt jusqu'à concurrence des 16 000 livres susmentionnées. Vous ne me connaissez pas, peu importe, je vous connais, là est l'important. Je vous offre la place de second à bord du brick Le Forward pour une campagne qui peut être longue et périlleuse. Sinon, rien de fait. Si oui, 500 livres vous seront alloués comme traitement et à l'expiration de chaque année pendant toute la durée de la campagne, vos appointements seront augmentés d'un dixième. Le brick Le Forward n'existe pas. Vous aurez à le faire construire de façon qu'il puisse prendre la mer dans les premiers jours d'avril 1860 au plus tard. 6 juin, un plan détaillé avec devis. Vous vous y conformerez scrupuleusement. Le navire sera construit dans les ateliers de Messieurs Scott et compagnie qui régleront avec vous. Je vous recommande particulièrement l'équipage du Forward. Il sera composé d'un capitaine, moi, d'un second, vous, d'un troisième officier, d'un maître d'équipage, de 2 ingénieurs, d'un Heismeister, de 8 matelots et de 2 chauffeurs. En tout, 18 hommes, en y comprenant le docteur Claoboni de cette ville qui se présentera à vous en temps opportun. Il conviendra que les gens appelés à faire la campagne du Forward soient anglais, libres, sans famille, célibataires, sobres, car l'usage des spiritueuses et de la bière même ne sera pas toléré à bord, prêts à tout entreprendre comme à tout supporter. Vous les choisirez de préférence doués d'une constitution sanguine et par cela même portant en eux, à un plus haut degré, le principe générateur de la chaleur animale. Vous leur offrirez une paye quintuple de leur paye habituelle, avec accroissement d'un dixième par chaque année de service. À la fin de la campagne, 500 livres seront assurés à chacun d'eux, et 2000 livres réservés à vous-même. Ces fonds seront faits chez M. Marquard et compagnie déjà nommés. Cette campagne sera longue et pénible, mais honorable. Vous n'avez donc pas à hésiter, M. Shandon. Réponse poste restante à Göteborg, Suède, aux initiales KZ. Post scriptum. Vous recevrez le 15 février prochain un chien grand danois, à lèvres pendantes, d'un fauve noirâtre, rayé transversalement de bandes noires. Vous l'installerez à bord et vous le ferez nourrir de pain d'orge mélangé avec du bouillon de pain de suif. Vous accuserez réception dudit chien à Livourne, Italie, mêmes initiales que dessus. Le capitaine du Forward se présentera et se fera connaître en temps utile. Au moment du départ, vous recevrez de nouvelles instructions. Le capitaine du Forward, KZ.